C'est un bon moment. Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio. Bonjour à tous. tous et à vous toutes, il est 13h36, et bien bonjour à tous et à vous toutes et bienvenue à l'écoute de l'Arc-en-Ciel. Et puis donc on a vu débuter l'émission avec Tony Carrera, et bien un petit pourquoi, parce que tout simplement et bien vous allez retrouver tout simplement Tony Carrera au Zénith d'Orléans le 21 janvier 2022. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a débuté avec un de ses titres tout simplement de Tony Carrera. Donc bien, vous pouvez le retrouver au mois de janvier, tout simplement au mois de 21 janvier 22, tout simplement au Zénith. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon début de matinée, puis aussi qu'on va passer ensemble l'après-midi. Ce matin, vous avez pu entendre avec tout simplement Lionel, avec son émission. Bien, vous pouvez le retrouver la semaine prochaine, à partir de 9h jusqu'à midi. Voilà donc, je vous laisse avec tout simplement, ça s'appelle Céline Dion, le titre balade de Michel, et puis juste après, ce sera quelques morceaux d'accordéon. Voilà donc, eh ben, je vais passer une bonne après-midi en ma compagnie. Vous serez accordéon, on le retrouvera tout à l'heure. Donc voici Céline Dion, et puis juste après, ils sont deux, c'est un duo, avec tout simplement Les Frangines. Le titre s'appelle Donne-moi. L'arc-en-ciel efface la pluie et chasse le vent au ciel des enfants. Comme les bateaux, les enfants ont peur de l'eau. Mais pourtant, retiens bien ces mots. C'est en naviguant que l'on devient grand. Tout ce que tu veux, tu le trouveras. Il y a dans tes yeux des étoiles, du soleil. Amour, nos vies sont dérisoires. de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, à toutes. Merci de rester fidèle à Radio Arc-en-Ciel. Voilà donc un peu changé de style de musique. Voici deux titres différents. C'est la flûte de Pan. donne un petit bonjour à Florian. Et voici quelques morceaux portugais. Sem parar, não falta gorduro pra malta animar. Não querem Voici donc qui s'appelle Neuville, le titre Emmène-moi, et puis en duo, le 21 juin, Hello. Quand la journée est finie, que le soleil décline, elle jette au pied de son lit la pile de magazines. Dehors, le monde s'agite dans un dernier effort. Monsieur Dupont marche vite pendant que la ville s'endort. Elle voudrait trouver la force de faire ses valises, partir ailleurs faire la noce, on y agira à sa guise. Elle veut ne plus rêver, quitter ses murs à jamais, connaître ses plages infinies, si proche du paradis. Et elle me disait un jour, j'irai avec toi y faire un tour. Emmène-moi. Pendant quelques instants, ces chaînes qui tiennent ses pieds retiennent ses élans. Elle voudrait fermer les yeux, croire qu'il existe encore une terre sans drapeau, sans haine des couleurs de peau. Elle me disait un jour, j'irai avec toi y faire un tour. Emmène-moi. Je la vois, avec toi j'y crois.

même qui t'a aimé. Je suis le même qui t'a voulu, qui malgré lui t'aura déçu. Je suis le même que t'a aimé. Rien de meilleur, mais rien de pire. Et le même cœur, quoi que tu puisses en dire. Plein de tendresse, de maladresse. Je suis le même pour toi. Je suis le même que t'as connu, qui aujourd'hui a bon se sentir perdu. Je suis le même que t'as voulu, pur sans appel comme un pauvre regard perdu. Je suis le même que t'as aimé, qui te jure qu'il n'a pas changé. Je suis le même que t'as aimé. Je suis le même que t'as connu. C'est bien celui en qui t'as cru. Je suis le même que t'as voulu. Tu es pour lui le seul salut. Je suis le même que t'as aimé. Rien de meilleur, mais rien de pire. Et le même cœur, quoi que tu puisses en dire. Plein de tendresse, de maladresse. Je suis le même pour toi. Je suis le même que t'as connu, qui aujourd'hui a bon se sentir perdu. Je suis le même que t'as voulu. T'as aimé, qui te jure qu'il n'a pas changé. Je suis le même que t'as aimé. Arc-en-ciel, découvrez la passion de la musique. Voici tout son du soul avec Barry White. Et le titre, Super Lover. If I said I couldn't get higher on your love, on your love. If I'm Monday power, hour after hour from your love, yes I am. Ooh, sexy lady, I love the way you make me want your love. I need your love. With your supervision, I know you will agree. A super love collision has to control me. A super love connection is the only key. It takes a super lady to love a super guy like me. Super lover, super woman, you really got me coming on the ground. Well, I'm bad. Super woman, super lover, there really is no other to be found, nowhere around. You fill me with desire for your love. I want your love. Ooh, you hypnotize me. The way you mesmerize me with your love. Give me your love. Burning lips of fire, hands that never rest, touching every part of this love. Super love sensation makes my body wet. I get so intensified and I can't let go. Super love, a super woman, just keep lifting my heart off the ground. I'm really bad. Superwoman, super lover, there really is no other you found nowhere around. Super lover, superwoman, you really got me coming on the ground. Really, I'm overwhelmed. Superwoman, super lover, there really is no other to be found nowhere around. J'ai besoin de ta voix, yeah. Voilà donc, après le zouk, voici l'accordéon, et puis juste après eux, ça sera Frédéric François avec La Liberté d'aimer. Dans la lumière de ma vie, je reste à l'ombre du ciel. C'est aussi ça. Olé, olé, olé, olé, la plus grande. Notre radio, Radio Arc-en-Ciel. revoici un autre titre de Tony Crea. Donc, il sera tout simplement au Zénith d'Orléans le 21 janvier 2022. Donc, Tony Crea au Zénith. Et je veux tout gagner pour elle. Et donc, juste après lui, ce sera d'autres titres portugais. Au paradis, un dieu n'attendait que nous. Moi, je me dis que par ici, même l'enfer me serait doux. Elle et moi, il n'y a qu'elle et moi, au milieu de la foule et des combats. Elle et moi, il n'y a qu'elle et moi, deux individus. Bem disposto com a chaga na mão.

Qui s'appelle Clarica avec les Bears. Et puis juste après, tout simplement, ça sera Hélène Sega. Et donc, bienvenue si vous prenez l'écoute d'Arc-en-Ciel. Thank you. si l'on reste, de dépasser les montagnes, mais tout au bord de l'abîme, avant que l'ombre ne nous gagne, et qu'il ne nous reste que quelques heures, si tu veux que je t'accompagne, recommencer à l'extérieur, si tu veux qu'on s'en aille, si tu veux tout laisser. Vers une autre vie, tout recommencer, loin de l'ombre et loin d'ici, loin de la mauvaise. Vers une autre vie. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Voici donc Barbara avec Ce matin-là. J'étais partie ce matin au bois pour toi, mon amour pour toi. Cueillir les premières fraises des bois pour toi, mon amour pour toi. Je t'avais laissé encore endormi au creux du petit jour. Je t'avais laissé encore endormi au lit de notre amour. J'ai pris, tu sais, le petit sentier que nous prenions quelquefois, afin de mieux pouvoir nous embrasser en allant tous les deux au bois. Il y avait des larmes de rosée sur les fleurs des jardins. Oh, que j'aime l'odeur du foin coupé dans le petit matin. Seule je me suis promenée au point. Tant pis pour moi, la lune n'y était pas. Pour que tu puisses en te réveillant me trouver contre toi, j'ai pris le raccourci à travers champs. Bonjour, me voilà. J'étais partie ce matin au bois. Bonjour, mon amour, bonjour. Voici les premières fraises des bois. Pour toi, mon amour, pour toi. Pour toi, pour toi. Jamais. qui s'appelle tout simplement Mélissa et le titre Où es-tu ? Et puis juste après, ce sera l'accordéon.

traverse, et les quelques 123 rescapés que nous avons sur la route du Tour. Regarde maintenant, vers les Champs-Élysées aura lieu, et bien prochainement l'arrivée finale. Parfois Voici donc Papillon, suivi de tout simplement, c'est le titre de la chanson de Laura Fabian. Et puis juste après, ce sera Jean-Bi Aubert, et le titre tout simplement, Tu vas l'aimer. Quelqu'un me verra-t-il si je disparaissais? Je sais, j'aurais pu être un papillon. M'attendra-t-il pour que ma chrysalide se libère de ses fils et se lance dans la vie? Je sais, j'aurais pu être un papillon. Le corps fait Très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Différent de Tino, de Tony Carrera, avec tout simplement pour vous annoncer tout simplement qu'il sera à Orléans, au Zénith d'Orléans, le 21 janvier 2022. Donc Tony Carrera sera sur Orléans, au Zénith. Voici donc un de ses titres. Filho, sei que está marcado. E a qualquer momento a porta é entreaberta. Vai se abrir e tu irás para a parte incerta, deixando-me aqui com a dor ao meu lado. Bem, posso chorar, suplicar por ti e pedir que não vás. Nada vale nada, não vale voltas atrás. Estás decidida e eu desesperado. Que vai ser de mim quando eu acordar em cada madrugada, procurar um beijo e não encontrar nada, apenas saudade por dentro e por fora. Que vai ser de mim quando eu adormecer sem ter o teu carinho, procurar teu corpo e ver que estou sozinho. Vai ser de mim quando tu fores embora. Sinto no meu peito que estás mais distante e me vais deixar a qualquer instante. Pois a despedida já vivo contigo. Vai chegar a hora mais tarde ou mais cedo. Tu já nem consegues manter o segredo. Não fazes planos para ficar comigo. Bem, posso gritar e implorar por tudo para ficares aqui. Nada muda, nada tens o adeus em ti. Vais mesmo partir, eu vou ficar perdido. Que vai ser de mim quando eu acordar em cada madrugada, procurar um beijo e não encontrar nada. Saudade por dentro e por fora. Que vai ser de mim quando adormecer sem ter o teu carinho, procurar teu corpo e ver que estou sozinho. Que vai ser de mim quando te fores embora. Morava numa palhoça, era a alegria do lugar.

Voici donc eux aussi, le titre s'appelle Étoile flippante. C'est en regardant le soleil que je veux faire briller les mots. Je me perds dans le ciel, dis-moi, c'est comment en haut? D'hôtel en hôtel, tu sais, je refais ma propre déco. En duel avec moi-même, je me mets à danser le tango. C'est en perdant le sommeil que j'ai arrêté de vivre dans l'intro. Je n'ai plus de modèle, alors j'ai fini solo. Je veux une vie nouvelle, j'ai terminé la démo. J'ai peur de tout ce bordel, mais j'ai allumé le chrono. J'ai peur du vide et de l'espace, parfois l'avenir me désenchante. Qu'on examine, qu'on me remplace, de devenir une étoile filante. Peur que la vie me laisse des traces ou pire, qu'elle me rende méchante. Peur des rites du temps qui passe, de devenir une étoile flippante. Quand on me demande si je pleure, dis que j'ai une poussière dans l'œil. Ce n'est pas une légende, à tout l'air peut se guérir seul. Je mets une grande amende à tous les voleurs de mon cœur. Rester dans la salle d'attente, je suis déjà dans l'ascenseur. Je parle tellement fort qu'on dit que je suis sur haut-parleur. Si mon passé est mort, j'ai été acteur de ce thriller. Je pourrais confier mon corps pour plein de tatouages en couleur. Pourtant dès que je m'endors, je fais naufrage et tout me fait peur. J'ai peur du vide et de l'espace, parfois l'avenir me désenchante. Qu'on exhale, qu'on me remplace, de devenir une étoile filante. Peur que la vie me laisse des traces ou pire, qu'elle me rende méchante. Peur des rues du temps qui passe, de devenir une étoile flippante. J'ai peur du vide et de l'espace, parfois l'avenir me désenchante. Qu'on exhale, qu'on me remplace, de devenir une étoile filante. Peur que la vie me laisse des traces ou pire, qu'elle me rende méchante. Peur des rues du temps qui passe, de devenir une étoile flippante. De devenir une étoile flippante. De devenir une étoile flippante. De devenir une étoile flippante. Une étoile flippante. Donc bien, bientôt 16h, bien, le temps passe très très vite, mais on se retrouvera prochainement. Voilà donc bien, l'émission se termine. On va se retrouver donc bien, comme j'ai dit, mardi prochain. Voilà donc. Et puis aussi vendredi, pas celui-là, mais l'autre vendredi, à partir de 13h30 avec l'autre émission. Avec l'émission S comme souvenir, avec les chansons, par contre différentes, entre 1900 jusqu'en 1950, avec plusieurs chansons, comme Lucienne Delisle, il y aura aussi Tino Rossi, il y aura aussi Katharina Valente, et puis d'autres chanteuses comme celle-ci, dès 1900 jusqu'en 1950. Voilà, donc on va terminer l'émission, voilà, et puis donc je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. J'avais pour toi l'amour, le rare et le précieux, toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les poings chauffés à blanc, je forge pour demain tes bonheurs que je souhaite, si grands que les miens. Demain, c'est toi.